Sema asante. Nikifikiri potoko. Est-ce que tu peux lever ta voix? Nikitazama uliponito. Chante-le plus fort, chante-le vraiment avec conviction. Chante-le vraiment, alléluia. La joie est là. De pourquoi Barry dit fura iko. Tu peux acclamer encore le Seigneur. Le froid est venu au rendez-vous. Barry dit me kuja kutu tangulia. La pluie est venue au rendez-vous. Vua imetutangulia. Et nous sommes venus au rendez-vous. Na sisi tuko hapo hapo. Et ce qui est plus fort, l'Éternel est au rendez-vous. Na Mungu wetu yuko hapo hapo. On acclame encore l'Éternel. Shangilie Bwana wetu Yesu. Il est au rendez-vous. Aliye hapa katika. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont les 2, 3, 4 personnes qui vont témoigner aujourd'hui? Ils peuvent s'approcher. Venez rapidement. Karibu. Alléluia. Amen. J'ai béni énormément l'Éternel de ce qu'il a fait dans ma vie. Dans cette année qu'il veut prendre. Les autres aussi s'approchent en même temps. En fait, cette année, Dieu m'a fait aussi du bien. J'avais beaucoup de requêtes, mais certains qui étaient vraiment clés, il m'a exaucé. J'ai béni son nom. J'étais en train de louer une maison, j'étais locataire et vous-même vous savez comment la vie de location est tellement difficile. Et parmi mes requêtes, j'étais en train de demander au Seigneur qu'il me donne aussi ma propre maison. Aujourd'hui, il m'a fait grâce, j'ai un enclos, j'arrive chez moi, même s'il n'y a personne, moi-même j'arrive, je klaxonne et puis j'entre, moi-même j'ouvre la porte et j'entre, ça me fait du bien. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu. Amen. Une autre que Dieu a fait dans ma vie, j'ai trouvé cette année de travail, ça faisait 3 mois, 2 semaines, et les contrats prenaient fin. Mais Dieu m'a exaucé, j'ai été embauché dans un service de l'État. Ce qui m'a fort étonné est que cette année, ce dimanche, on m'a appelé que mon numéro matricule est venu. Alléluia. Et pourtant, il y a d'autres qui viennent de faire 5 ans, 20 ans, Jusqu'à aujourd'hui, leur numéro n'est pas sorti. Mais moi, dans un mois, l'Éternel m'a donné mon numéro matricule. Je bénis énormément son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et amen. Les autres qui vont témoigner, ça va aller au dîner. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là devant vous pour témoigner des bienfaits de Dieu. C'était depuis 2013 que mon mari, son travail a pris fin. Et moi et mon mari, nous étions en chômage. Depuis 2013 jusqu'à 2018, on s'est batté pour vivre et pour faire, pour venir aux besoins de la maison et de la famille. C'était en 2016, quand on était en tournant décisif. Le pasteur nous avait dit d'écrire nos requêtes sur le papier, de déposer ça ici et de rester avec le brouillon dans nos agendas pour continuer à exaucer Dieu à la maison. Dans cette année 2018, on avait eu la promesse depuis 2015, il y avait un membre de la famille qui est hautement élevé et nous a promis de nous donner le moyen pour faire des activités. C'est depuis 2015 qu'on a reçu cette promesse, mais on ne sait pas pourquoi il ne réalisait pas ça et pourtant il avait tous les moyens pour réaliser ça. Et en 2018, c'était en juillet, il nous a appelés, il a dit « Je suis à Goma spécialement pour vous voir » et il a réalisé sa promesse. Et en décembre, c'est le mois de décembre, le 1er décembre, j'ai signé un contrat à une organisation internationale. Gloire un contrat d'une année, je bénis grandement l'Éternel. Gloire à Dieu. On acclame bien le Seigneur. Shangilia Bwana. Nous offrons à Dieu nos acclamations et nos cris de joie, de reconnaissance. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ça fait très longtemps que j'ai témoigné ici. Et je bénis Dieu de m'avoir donné encore cette opportunité. Le premier témoignage, c'est aujourd'hui même. Comme je me préparais pour venir à l'église, la pluie a commencé. Il y a mon domestique qui m'a fui et je suis seule avec les enfants à la maison. Maintenant, aujourd'hui, je me suis dit, non, comme je ne travaille pas aujourd'hui, je dois quand même faire quelque chose. J'ai commencé à faire les travaux de la maison et la pluie a commencé. Et comme vous le savez, que nous, les gens de Himbi, quand la pluie tombe, vraiment, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. J'ai commencé à puiser de l'eau. J'ai puisé de l'eau et le dernier bassin que je voulais soulever, je suis arrivée là où j'ai versé de l'eau dans le fût. Vraiment, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. C'est le diable, vraiment. Ce qu'on dit chute libre, c'est les chutes libres que j'ai fait. Du coup, j'ai crié Seigneur Jésus. Et j'ai vu que je n'étais pas blessée. Je me suis touchée. En tout cas, il n'y a nulle part où j'ai senti mal. C'est maintenant que je commence à sentir la douleur à ce niveau. Mais j'ai dit au diable qu'il a échoué. Il a échoué. Amen. Amen. Amen. Amen. Le deuxième témoignage, vraiment, pour moi, c'est un nouveau départ. J'avais commencé le travail, c'était en 2016. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'était pendant cette période de grâce insondable. Je n'avais pas du travail, j'avais terminé un contrat. Et 4 mois après, les grâces insondables est arrivée. Et le Seigneur m'a fait grâce. Pendant ces grâces insondables, il m'avait donné un travail que je possède jusqu'à aujourd'hui. C'était un poste là, bon, ce n'était pas mauvais, mais je me disais, Seigneur, ce que j'ai fait quand même, c'est quelque chose, on peut me donner une promotion. Je peux être à la tête. Et comme j'avais une promesse de Dieu qu'il va m'élever, j'ai continué toujours à prier. Et j'ai béni Dieu pour ce programme. Pendant ce programme, on n'a pas encore fini. J'ai obtenu une promotion. Mmh. Alléluia. Vraiment, j'ai béni Dieu parce que je disais, Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas être chef? Alors que le travail que j'ai fait, c'est vraiment au top. Je suis responsable financier. C'est un nouveau départ pour moi parce que je disais, Seigneur, je suis en train de postuler pour l'expatriation. Mais avec les postes que j'ai d'assistant financier, on ne peut pas m'admettre au niveau de l'expatriation. Mais maintenant ici, Shetani amepata yeye, naanza postuler. Alléluia. Amen. On acclame très bien. Shangilia Bwana vizuri, shangilia Bwana. Écoutez, il faut payer les dettes. Témoigner, c'est payer la dette. Je vous ai dit que c'est vraiment important. Et Dieu attend nos témoignages. Et chaque jour. Alors ceux qui vont témoigner demain dimanche, ne partez pas avant de le signaler. Vous avez la liste déjà. Pour dimanche. Ah, ok, à lire. Allons-y, frère. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'était depuis le mardi que je voulais passer, mais je me demandais si ça valait vraiment la peine. Et là, je ne pouvais plus résister. Je me suis dit qu'il fallait que je parle. Amen, il ne faut pas résister. Si Dieu agit, le plus souvent quand on parle de témoignages, on a tendance on pense seulement que ce sont les mamans, que ce sont les papas. Dieu agit aussi chez les jeunes. Amen. Il agit aussi chez... Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur? C'est la prophétie, c'est les jeunes. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, mais juste dire que Dieu aussi, Dieu m'a fait du bien. J'attendais de Dieu quelque chose pour cette année et il m'a vraiment fait du bien. Ce que j'ai eu à expérimenter, c'est que réellement quand on prie, quand on cherche Dieu, il répond. Je priais Dieu pour mes études, je me disais « Seigneur, mais j'aimerais faire plus, j'aimerais faire plus grand parce que par moments, quand Dieu ne fait pas des miracles, les gens ont tendance à croire en ce Dieu-là que nous prions. Il disait à Dieu, Seigneur, pour mes études, permets à ce que j'aille au-delà, que je fasse mieux. J'ai prié, et cette année, ça a été compliqué. Je me suis rendu compte que Dieu m'orientait. Il y a par moments où j'ai préparé mes examens, j'avais des courage extraordinaire. Au lieu de commencer au début du syllabus, je sens l'esprit qui me convainc de commencer à la fin, de la fin jusqu'au début, donc c'était compliqué. Dieu m'a fait tellement du bien. Je suis monté de promotion avec 73,8% et j'ai Alléluia. Béni le Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, j'ai prié vraiment le Seigneur qui me donne une activité. J'aimerais aussi être parmi ces gens-là qui se débrouillent. Par moments, on arrive à l'église, il y a les paniers qui passent, on n'a rien à donner, ça fait tellement du mal. Je disais à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je vais aussi participer à ton œuvre. Je vais aussi me prendre en charge quelque part, me débarrasser un tout petit peu des parents. J'ai prié le Seigneur. Et quelque part, j'étais en train de passer, c'était au bord de la route. J'avais lu quelque part où on disait que 1000 projets ne valent pas une œuvre. Je me disais, Seigneur, mais nous avons beaucoup de projets dans la tête, mais nous ne savons même pas réaliser un seul. Je disais à Dieu, Seigneur, parmi tous les projets que j'ai, réalise même un seul. Afin qu'à partir de ces projets-là, que je comprenne au moins que tu m'ouvres les portes pour que j'accélère et que j'aille de l'avant. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai une activité de revenus. Je gagne mon argent par semaine. Alléluia. Je peux offrir à Dieu. Et je bénis grandement le Seigneur. Que la jeunesse reçoive cette prophétie. Et puis vous savez, chers jeunes, je crois qu'il faut saisir cette prophétie. Il n'est pas bon que tu aies été marié à quitter chez toi, chez les parents. Il faut commencer à faire ce genre de prière à temps. Il faut faire ces prières tôt. Et je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Que Dieu vous accorde de faire cette prière-là. Et déjà, ça, c'est un signe que Dieu exauce ce genre de prière. Que votre prophétie s'accomplisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme mariée et mère de 4 enfants adorables. Et je glorifie l'Éternel pour qu'il a fait dans ma vie. Arrivé à Goma vers 2014, tout allait bien dans ma vie. Mon mari avait un travail stable. À l'époque, j'avais un bébé de 6 mois. Et puis après, je me suis rendu compte que je connais un peu de retard de 2 mois. Et cette réalité m'avait troublé. Puis j'avais accepté la situation. Donc, j'attendais un nouveau bébé, calmement. Puis, par la suite, j'ai accouché. Et 8 jours après, j'ai perdu mon bébé suite à une jaunisse. Et c'est là la chose qui m'a fait très mal et les cauchemars ont commencé dans ma vie. J'étais encore sous le choc émotionnel de la perte de mon bébé. Qu'un mois après, mon mari a perdu son travail aussi. Deux mois après, on nous a demandé de libérer la maison qui était celle de l'employeur. J'étais presque dans un état de second avec les circonstances malheureuses qui ne faisaient que se suivre comme dans un film et comme dans l'histoire de Job. Nous étions obligés de vendre notre véhicule pour prendre une maison en location. Toutes nos économies confisquées à la banque. Toutes nos économies étaient confisquées à la banque. De compte final, il n'y en avait pas, sans aucun sou. Nous avons trimé pour nourrir et scolariser nos enfants, nos quatre enfants. Après une formation chez les mamans sur l'entrepreneuriat, et je souligne que j'avais un problème personnel, spirituel, c'est que j'étais une femme orgueilleuse. Mais après la formation de l'entrepreneuriat chez les mamans ici à l'église, cela m'a amené à abandonner l'orgueil pour entreprendre. J'ai commencé à entreprendre et j'ai commencé à vendre les sacs de seconde main ou des sacs de friperie. Ce n'était pas facile de trouver la clientèle. Mais avec l'aide de Dieu, ça a rapporté. Peu à peu, j'avais un travail et mon mari n'avait toujours rien. Il avait désespéré et il était abattu. J'ai continué à croire que Dieu est capable. Des fois, il m'arrivait aussi de désespérer. Mais l'Éternel nous fortifiait et nous avions persévéré jusqu'à ce que, après 3 ans de chômage, l'Éternel a exaucé nos requêtes. Mon mari a trouvé un nouveau travail et ce travail lui a permis d'être ramené à Kinshasa. Et j'ai obtenu aussi également un autre travail et dans ce travail, j'ai demandé la permission de rejoindre mon mari et on m'a accordé cette grâce. Et donc, d'ici 2 mois, je vais rejoindre mon mari, lui qui a déjà occupé son poste à Kinshasa. Je remercie mon Dieu pour sa grandeur, sa main puissante qui reposait sur nous, mais aussi je remercie notre berger, le pasteur Eston, qui sans relâche n'a pas cessé de me conduire dans la prière et de prier pour moi. Je dirais que cette année, c'est vraiment une année de nouveau départ pour nous et pour ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On acclame très bien le Seigneur. Bwana asifiwe. Amen. Levons-nous un instant, on va prier. Tusimame kidogo kwa maombi. Tu vas bénir le Seigneur pour ce témoignage. Bariki Mungu kwa ushuda yale Mungu ametendea ndugu zetu. Nous allons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Tumshukuru Mungu kwa uaminifu wake, kwa upendo wake. Comme tu as fait pour nos frères. Tumwambie Mungu kwa gizu umetendea ndugu zetu. Je crois et je suis encouragé. Na mimi ninaamini na natiwa moyo. Pour moi tu vas hata na mimi utayatenda. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Seigneur, tu as fait. Tu as fait pour mon frère et ma sœur. Je te bénis, grand roi. Je te bénis, grand Dieu. Je te bénis pour ta fidélité. Je te demande grâce de pouvoir accorder, Seigneur, à chacun de ceux-ci Aliahidi atatenda tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi, itatimiza mapenzi yake, itatenda alivyosema. Tu es fidèle, tu as promis que tu agiras et tu as agi. Nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour tes grâces insondables, nous te bénissons pour tes œuvres infinies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes grâces et tu libères infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons penser ou attendre. Et c'est cet après-midi aussi, Père, tu es présent pour disposer et disponibiliser ta puissance qui agit en nous afin d'atteindre tes objectifs dans nos vies, dans notre destinée, dans notre temps, dans notre génération. Qu'à ton nom revienne toute la gloire, que tu te réjouisses de tes œuvres et que tu accordes la grâce cet après-midi, Seigneur, de faire une expérience. Convertis la demande de quelqu'un à un témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, traduis les cris de quelqu'un en cris de joie. Convertis les larmes de quelqu'un à chant d'allégresse. Ce soir, ô Père, merci. Ta fidélité est grande. Réponds et fais déborder les courants d'eau que tu as fait pleuvoir en chacun d'entre nous. Fais-le pleuvoir, fais-le écouler, couler dans le quartier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance déborde, que tes grâces débordent, que tes grâces débordent, que tes grâces débordent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, ô mon Dieu, mon roi, tes œuvres infinies soient déployées cet après-midi. Nous soumettons tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ et nous proclamons que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons que tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons qu'il n'y a que toi qui es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que les idoles plieront et que ceux qui n'ont pas fait les cieux et la terre fuiront et quitteront. Et que Seigneur, seul toi qui as créé l'univers, tu as droit de siéger cet après-midi dans ces lieux. Tu as droit de régner dans cette ville. Tu as droit de siéger sur cette vallée afin de recueillir toute la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Ensuite, nous allons partir répandre la grâce de Dieu dans le quartier. Et puis nous reviendrons pour continuer notre programme et prier, écouter la parole. Merci à Dieu pour la pluie. Et si certains ont été empêchés, que Dieu leur fasse grâce. Mais toi qui as eu la grâce d'être là, tu es doublement gracié. Parce que tu auras aussi l'occasion de distribuer la grâce que tu as à quelqu'un. On peut acclamer encore le Seigneur. Quel privilège que d'être à son service. Quelle grâce que d'être un instrument entre ses mains. À lui la gloire. Alors hier, nous étions en train de parler du troisième phare dans notre thème, infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Nous avons été en train de partager les jours précédents sur la puissance qui agit en nous. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père siégeant, demeurant en nous, dégage cette puissance qui agit en nous. Et quiconque a Jésus-Christ dans son cœur, quiconque a donné sa vie au Seigneur a accès à cela parce que depuis le jour où tu reçois Jésus-Christ, Dieu dans sa plénitude vient habiter en nous afin de nous diriger sur cette terre, en train de nous façonner, en train de nous aider à le ressembler, mais aussi en train de nous aider à être des instruments entre ses mains. Et à la fin, il nous amènera dans son royaume, dans sa gloire. Alors, nous avons commencé de parler d'infiniment au-delà. C'est-à-dire, il peut faire infiniment au-delà par sa grâce. Et nous avons commencé de déchiqueter, c'est infiniment. Et nous avons vu que quand Dieu opère infiniment, il faut percevoir ce qui est caché dans infiniment. Premièrement, il agit et opère infiniment en qualité. En qualité. Et nous avons partagé l'expérience d'Isaac et Ismaël face à l'Éternel. Et nous avons vu que Dieu a accordé, réservé à Isaac. Dieu a réservé à Isaac une bénédiction de qualité. Et nous avons vu que cette qualité est cachée dans le choix de Dieu. Je voudrais dire dans le fait que Dieu s'approprie quelqu'un. Quand Dieu s'approprie de toi, il va agir avec toi en qualité. Si Dieu ne s'approprie pas de toi, il peut aussi te bénir par responsabilité divine. Vous savez, Dieu, depuis le commencement, il est écrit fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est sa responsabilité. Et quelqu'un qui a bénéficié de la pluie et qui ne connaît pas Dieu, il plante et il récolte. Mais celui qui appartient à Dieu par la conversion, il bénéficie différemment de cette pluie. Parce que en dehors de la pluie, l'Éternel lui ajoute d'autres choses que les non-croyants n'auront pas. Il lui ajoute la joie, il lui ajoute la jouissance. Il lui ajoute de jouir de la chose. Certaines personnes sont bénies, mais ne jouissent pas. Parce que la qualité de leur bénédiction n'est pas accompagnée de ce sentiment divin d'appropriation. Dieu ne les emballe pas avec son affection. Dieu ne les accompagne pas avec son manteau. C'est pourquoi les gens disent Mali ya wizi haileti, comment on dit ça? Mali ya wizi haina baraka. Haifai. Mali ya wizi haifai. Parce que même quand tu as ça, hata kama umebarikiwa, Dieu ne peut pas accompagner Mungu ça de son manteau. Na yake, la chaleur de Dieu. Iyo kifukutu ya Mungu, kivuli ya Mungu. La chaleur de Dieu. Iyo kivuli ya Mungu. Ne te suis pas. Haikufunike. Et tu peux être dans cette chose. Na unaweza kuwa katika hivi vitu. Et tu envies celui qui n'en a pas. Na unatamani hata mwenye hana sababu utaona ana raha kukishinda. Qui a Dieu, ana Mungu, mais que il c'est comme si lui vraiment. Lakini utaona kwamba huyu kwa sababu kuna ananishindia. Tu peux envier d'aller manger du lukondi chez les voisins. Anaenda hata kula maharage na mayai. Parce que chaque fois que tu viens chez les voisins, ils n'ont rien. Hawana kitu hata. Mais c'est comme s'il y a quelque chose. Lakini ni kama wana kitu. Chaque fois tu vas passer là-bas, c'est les herbes. Pale, mayani, nyama, pas de protéines animales. Hakuna hiyo nyama wanakula. Mais c'est comme si ça. Lakini iko kama wanafunikwa na kitu mwa hivi. C'est comme si ya, la présence de Dieu. Na Mungu yuko pamoja nao na wanaishi vizuri. Et quand image les lukondi, wanakula maya yao ya maharagi. Il a pleme. Wanalambula na wanaikunywa ile nyenye ilibakia. Unakunywa mboga. Alors que toi tu laisses la sauce au bout de morceaux de viacha kumeza unakosa appétit. Et tu te dis mais c'est quoi ce lukondi là? Ils mettent quoi là dedans? Hapo wanatia mumaragi hapo nini? La différence entre ta bénédiction et leur bénédiction. Tofauti ya baraka yako na yao. C'est que Dieu, Mungu, accompagne certaines bénédictions baraka zile à qui il donne sa grâce. Kwa yule aliyepokea neema, il les accompagne Mungu de cette chaleur. Mungu anawasindikiza katika kivuli chake. Et ça permet qu'ils jouissent. Na inafanya wafurahie baraka yao. Essayez pas la question. Niko naongea na mtu. C'est pourquoi mes frères, sababu hii ndugu, Isaac aura été béni. Kweli alipokea baraka. Et Dieu dit, na Mungu akasema, avec Isaac, pamoja na j'établirai Isaac, mon alliance avec. Nitaweka agano langu. Avec Ismaël, pamoja na Ismaeli, okay, je lui donnerai. Apokee tu baraka. Je le bénirai. Apokee baraka tu. Sawa. Na okay, je t'ai exaucé. Apokee baraka ya kivitu tu kivitu. Mbona kwa njibia na muna ingine? Mungu mbona unasema? Vous avez lu ça hier. Mulisoma jana. Dieu dit pour Isaac. Akasema kwa j'étais exaucé. Kwa Ismaeli nimekujibia. Suseme bien na roho ya mzuri. Lakini unaona Mungu hakaze hashindilie ile baraka. Suseme bien. Haishindilie kabisa. Et pourtant Dieu donne des détails. Na japo Mungu iko anampa baraka mbalimbali anaongelea vitu. Et puis c'est des détails vrais. Na ni kweli kabisa baraka iko anazipokea. Et puis Dieu a été fidèle avec Ismaeli. Na Mungu alikuwa mwaminifu kwa Ismaeli hata mpaka leo amebarikiwa na mali. Iyana. Uyu Ismaeli na kizazi kyake wamebarikiwa ni hao watu wana petrole nyingi duniani. Na dolari nyingi. Me, lakini Dieu ne leur a pas donné cela avec Mungu hakuwapa avec la pamoja na hiyo kivuli enyenge sindikiza hizi baraka. La chaleur de son cœur. Combien je prie que les enfants. Ningeliomba watoto wa Arche mupokee baraka pamoja na hiyo kivuli itakawasindikiza ndugu zangu. Banduku tunaweza kwa kudunia hii. Bien aimé nous pouvons vivre dans ce monde. Na tunapigana. Et nous battre. Tunalite na bitu. Nous allons lutter avec les choses. Si tu n'attrapes kama haukushika le cœur de Dieu, roho ya Mungu. Si tu ne réussis pas à gagner le cœur de Dieu, pate roho ya Mungu. C'est pourquoi Dieu nous a donné conseil là, ndio maana Mungu alitupa shauri, akatupa majibu yale sita. Les six réponses. Majibu yale sita. Qui sont des moyens avec lesquels namna yetu ya kufanya. Nous pouvons finalement réussir à capter le cœur de Dieu. Tunaweza kupata kibali ndani ya roho ya Mungu. Afin que Dieu commence à nous traiter. Ili Mungu atutendeye. Non pas par responsabilité divine. Sio tu kama tu muumba wa anatendea viumbe vyake vyote. Comme notre responsable. Kama tu munyana tuko wake. Mais comme notre ami. Lakini kama rafiki. Intime. Kama mpendwa wetu. Comme quelqu'un qui nous a offert son cœur. Kama yule ambaye ametupa roho yake. Que Dieu t'accorde son Mungu akupe roho yake. C'est pourquoi le psalmiste dit oh, vous levez-vous matin. Zaburi anasema mumejifungua kulamuka asubuhi mapema na kulala usiku. Et mangez-vous le pain d'afflicte ya uchungu. Et dit il en donne na autant Mungu à ses bien-aimés. Kwa wapendwa wake. Pendant qu'il dort. Wakati wao wanalala. Ça ne veut pas dire que les bien-aimés ne travaillent pas. Sio kwamba wapendwa wa Mungu hawatumike. Mais ils travaillent wanatumika katika ile kivuli ya Mungu paka wanaweza kupumzika usiku wakati wengine wanasumbuka. Hawasumbuke, hawasumbuke. Dieu leur donne du repos. Mungu anawapa wapumzike. Alléluia. Amen. Regardez même l'expérience de Saül. Ona hata mfalme Sauli. Dans 1 Samuel chapitre 8. Katika Samuel wa kwanza mnane. Vous lisez du premier verset jusqu'au suivant. Moja kuendelea chini pale. Le peuple d'Israël commence à réclamer. Watu wa Israeli wanaanza sema tupe mfalme. Samuel, Samuel. Wanaambia nabii Samuel. On est fatigué d'avoir un roi qu'on ne voit pas. Tuwe na mfalme tu mwenye ko mbinguni atuone. Donnez-nous aussi un roi comme les autres. Tupe mfalme kama mataifa hizi zote tumuone. Samuel se fâche. Na Samuel akasirika. Qu'est-ce que vous faites? Akasema ni nini mnafanya? C'est mieux d'avoir Dieu comme roi. Ni vizuri kuwa na Mungu kama mfalme. Et ils ont insisté. Na wakasema hapana tunataka na sikuwa na mfalme. Na Samuel akaenda mumaombi kumwambia Mungu. Watu wanasema wanachoka kukuwa na mwenye baonake, wanataka mfalme mwenye anaonekana. Je ne sais plus quoi faire. Sijui ni wajibie nini. Arrangez votre téléphone. Kama kuna telefoni mtu anaweza kuifunga inatusumbua. Mettez mode avion. Alléluia. Amen. Regardez ça. Tuione hiyo katika Samuel wa kwanza mnane. Samuel 8. Et puis kisha hapo Samuel pleure devant Dieu. Samuel analia mbele ya Mungu. Et lui dit Dieu. Je comprends pas ces peuples là. Anasema mimi hawa tusiwaelewe Mungu. Vraiment ce qu'ils demandent c'est bizarre. Yale maombi yao mimi siyaelewe. Et Dieu leur dit, Mungu Dieu dit à Samuel. Akaambia Samuel. Regardez le verset 8. Musari wa mnane. Ce verset m'a attristé. Ii musari ilinihuzunisha. Regardez ça avec moi. Muisome pamoja na mimi. Est-ce que les médias est là? Media muko hapo? Et Samuel 8. Samuel akaanza mnane mnane. Regardez verset 7. L'Éternel dit à Samuel. Samuel akamwambia. Écoute la voix du peuple. Sikia sauti yao. Tout ce qu'il te dira. Kwa yote wanakuambia. Car ce n'est pas toi. Sababu haiko wewe ndio wanakatala. Qu'il rejette. C'est moi. Mimi ndio biko wanakatala. Afin que je ne règne plus sur eux. Ili nisiwatawale. Et puis il ajoute. Na Mungu anaongeza. C'est ça qui m'a attristé. Pale ilinipa huzuni na woga. Dieu dit, Mungu kasema, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je wana les ai fait sortir d'Égypte. Kama vile wanazoea kutenda tangia nilibatosha Misri mpaka leo. Njoo vile wanakuaka. Njoo desturi yao. C'est triste. Est-ce que Dieu parle comme ça avec quelqu'un ici? Cette femme-là, elle agit comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est comportée. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Sikia maombi yao. Masikia. Écoute donc leur voix. Est-ce que Dieu est content? Je, Mungu anafurahi hapa kajibia hii maombi. Il demande un roi. Wako wanaomba Mungu mfalme. Et Dieu accepte. Na Mungu anawapatia. Mais Dieu n'est pas content. Lakini roho ya Mungu haiko mule. Et il fait la liste de ce que ce roi va leur faire. Mungu anaanza kuwaelezea binyo yule mfalme atabashurutisha. Verset 22. Makumbi na mbili. Et l'Éternel dit à Samuel, Mungu akamwambia Samuel, écoute leur voix. Sikia sauti yao. Et établis un roi sur eux. Na ushimike mfalme juu yao. Ukona, Mungu kosa anajitosha maneno. C'est comme si Dieu il se retire dans cette affaire. Écoute leur voix. Usikie maombi yao. Toi le sacrificateur. We nabii uwapatie mfalme wanaomba. Toi le sacrificateur, établis un roi pour eux. Na we kuhani muwapatie mfalme anayo wanaomba. Il ne faut pas aimer que Dieu agisse comme ça. Haiko vizuri kumpeleka Mungu kutupa vitu vinya vitoke kwa roho yake. Il ne faut pas aimer ce genre de réponse. Haiko majibu mazuri kama haya. C'est souvent des réponses que vous pouvez observer chez les parents. Ndio majibu ambayo unapataka kwa wazazi. Certains enfants insistent. Watoto wengine wanakazanaka kabisa kuomba kitu paka mzazi utakipana hata haupendi. C'est pas bon. Lakini si vizuri. Et puis Dieu leur donne un roi. Mungu akawapa mfalme. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est ilionisumbua kidogo. Lorsque maintenant il doit leur donner le roi. Wakati ilifika wa kuwapa mfalme. Au verset 15 chapitre 9, msari 9 15. Or un jour avant l'arrivée de Saül, mbele ya kufika kwa Saul, l'Éternel avait averti Samuel. Mungu alimwarifu Samuel nabii. Demain à 7 heures, kesho, kwa Isa, je t'enverrai un homme utakutumia mtu du pays de Benjamin, wa inchi ya Benjamin, et il loindra utampaka pour mafuta, chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon Israel peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Na sauti yao ilifika kwangu. Alors, si tu trouves Dieu ukimpata Mungu dans les chapitres suivants, katika mavitabu vinavyofuata, et que tu n'as pas lu d'où cette affaire vient, kama haukuanza kuona chemchemu kwenye vitu vilitokea, tu auras l'impression que Dieu est content, utafikiri que Dieu Mungu d'accord, amefurahi, que Dieu d'accord, est dedans, na Mungu iko pamoja nao. Parce que Dieu avertit son serviteur, dit demain je vais t'envoyer le roi. Et puis effectivement demain il y a un jeune homme qui vient. Et Dieu dit à Samuel, c'est lui. C'est lui dont je t'ai parlé hier. Donc Dieu est en train de gérer la chose. Mais son cœur n'est pas dans la joie. C'est pourquoi nous devons rechercher la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Nous devons aimer la volonté parfaite de Dieu. Nous devons aimer la chaleur de Dieu, la chaleur du cœur de Dieu. Et cela doit être notre quête quotidienne. Seigneur, aide-moi. Mungu wangu nisaidie. Je veux ton acceptation. Niishi kukubaliwa kwako. Je veux que tu m'agrées et m'acceptes avec joie. Nataka nikubaliwe mbele za uso wako. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez maintenant na ukiangalia, au chapitre 16, lorsque Dieu choisit David, sita, wakati Mungu amemchagua Daudi, vous allez sentir la différence. Uone utofauti kati ya uchaguzi ya wafalme mbili. Chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, Bwana kamwambia nabii na Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Utaacha kulia juu ya huyu mfalme Sauli? Mais quoi que Saül pouvait lui rétorquer, toi Dieu aussi, pourquoi tu ne pleures pas sur lui? Na Saul angelijibia Mungu, na wewe Mungu kwa nini hausikii kilio cha huyu mfalme? Si wewe ndio ulitupatia huyu? Non. Pourquoi tu pleures sur celui-là? Tu anini unalia juu yake? Arrête de pleurer sur Saül. Acha kumuombea. car je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et puis il lui dit, remplis ta corne d'huile et va, je vais t'envoyer chez Isaïe Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Le désir est du ressort des sentiments. David est un roi du sentiment de Dieu. Saül est un roi de la responsabilité de Dieu. J'assume ma responsabilité. Je choisis Saül. Mais pour David, c'est un jeune homme que je désire. Et dans Acte 13, 22, il est écrit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. C'est-à-dire, homme de mon sentiment. Qui accomplira toutes mes volontés. Demande au voisin, tu es dans les responsabilités de Dieu. Ou tu es dans les sentiments de Dieu. La Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, il faut être dans la joie du Seigneur. C'est un peu mieux d'être dans la responsabilité du Seigneur. Mais il faut dépasser ce niveau. Il faut monter dans les sentiments de l'Éternel. Quand tu te réveilles le matin, que Dieu soit capable de dire, oh, petit ange, c'est comment? Mais si tu es dans les responsabilités de Dieu, Dieu va se réveiller, va dire, Umelamuka eleo. Vous voyez la différence? Unaona utofauti. Eh, hauyalamuka, voyez les responsabilités en famille. Unaona majukumu ndani ya jamaa. Fisto, hauyalamuka. Mais quand c'est l'enfant que tu aimes, lakini kama ni mtoto mwenye unapenda, c'est pas un langage comme ça. Hautasema naye na ile sauti. Comment tu fais, maman? Unafanyaka ya mama? Quand c'est l'enfant que tu aimes, kama ni ule mtoto mwenye unapenda, unaenda mlamuka, mtalamuka nyie. Hautaenda mlamusha na mai kumasikio na kafimbo, utamlamusha pole pole. C'est comme ça qu'on fait. Mais quand c'est l'enfant que tu aimes, kama ni mtoto mwenye unapenda, tu grattes un peu. Unaanza kumugusa, kumubusu kidogo. Yeah, n'est-ce pas? Quand c'est l'enfant qu'on aime, kama ni kale katoto yako, c'est avec les sentiments. Unakagusa pole pole na roho. Unakamusha pole pole. C'est vile upesi. Ne veux-tu pas être cet enfant? Je haupendi ukue ule mtoto mnyumba ya Mungu. Et que toi-même quand tu réveilles, wakati unaamuka, tu commences à prier toi aussi avec sentiment. Na wewe unaanza kuomba na furaha roho. Non pas avec responsabilité. Hapana kuomba sio kusema bali tuambiaka tulamuke na maombi. Si afanya maombi ya asubuhi. Mwa mnafanyaka maombi ya asubuhi? Eh, lamuka mulamuke mfanye maombi ya asubuhi. Vous voyez ça, ça ce sont les prières de responsabilité. Atusifanye hii maombi ya kawaida ya desturi. Juu ni mapasho. C'est comme une dette à payer. Mais ça uko nalipa tu deni lakini habitoke muroho. Habikufurahisha tu te réveilles. Tena bunakucha. Bon. Dieu merci. Mungu mbo aksanti. Merci Dieu. Aksanti. En fait tu es fâché parce que ça fait 2 ans que tu n'as pas du travail, tu es fâché contre Dieu. Umemsirikia Mungu sababu miaka 2 haujapata jibu. Et puis le mariage n'est même pas là. Ndo haijakuja. Bon Seigneur. Na wamekusumbua sijue mwaiki na hiki. Mula mke tuombe. Mukie tuombe. Na muna piga magoti. Seigneur, merci. Mungu asante. C'est toi qui es Dieu. Wewe ndio uko Mungu. Mais n'oublie pas. Lakini usisahau. Ça fait 2 ans. Tu vois, Seigneur, je souffre. Tu ne peux pas te rendre compte. Alléluia. Là, on se souvient rapidement que hey, j'ai trop parlé négativement. On revient un peu dans le positif. Oh, Dieu, Seigneur, merci quand même. Oh, merci, merci quand même. Ce genre de relation de responsabilité, ce n'est pas bon. Nous devons monter plus haut que ça. Alors Dieu bénit Isaac, na Mungu akambariki Isaac avec son cœur, na roho yake yote, avec sa joie, na furaha kabisa. On dirait il l'embrasse. Ni kama mwenye kumkumbatia. Pour Isaac, ya huyu Isaac, je l'ai choisi. Nimemchagua. Je le bénirai. Na et je conclurai mon alliance avec lui. Il ne dit pas je conclurai une alliance avec lui. Il dit mon alliance. Ça dit l'alliance que j'ai là, c'est avec Isaac. Mais pour Ismaël, j'étais exaucé. Je vais le bénir. Je vais assumer mes responsabilités. Pour Saül, donnez-lui la royauté. Qu'il dirige le peuple. Et Dieu même, au chapitre 8, il a donné des droits de Saül. Et dit, il prendra vos meilleures filles, il prendra vos meilleurs champs, il prendra vos vrais serviteurs, il va prendre vos dîmes, il lui donne akamupa vitu vingi par responsabilité kwa majukumu tu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Quel est ton camp? Dans ta relation avec Dieu, il y a une relation de responsabilité ou une relation des intimes? Des intimes avec Dieu. Avant la fin de ce programme, que ta relation devienne une relation d'intime. Va rapidement dans les 6 réponses. Et réactive ces réponses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, notre échec peut déjà être dévoilé par l'attitude de Dieu envers nous. Na kushindwa kwetu inaweza kutokana na hali gani Mungu anatuona nayo au anatukamata nayo. Quand tu entreprends quelque chose et puis l'attitude de Dieu, c'est comme si c'est juste pas responsabilité. Quelquefois, il faut revenir à Dieu. Seigneur, est-ce que tu es content? On dirait tout ni responsabilité. Est-ce qu'il y a un problème? On peut revenir à Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a un problème? Mungu sunibariki bien. Comme Jacob. Amen. Amen. Alors, infiniment aussi, kupita zaidi tena, c'est infiniment en quantité. Ni vile vile katika kipimo. Infiniment en quantité. Zaidi katika kipimo. Dans Genèse chapitre 26, verset 12 et suivant, mwanzo makumi na sita, nous voyons l'expérience de Isaac, tunaona yaliyomfikia Isaac, cet enfant de l'alliance. Ule mtoto wa agano. Isaac, l'enfant de l'alliance. Isaac mtoto wa agano. La famine est arrivée dans leur contrée. Nchala ilifika kumugini kwenye baliishi. Et Dieu lui a dit, reste à Gerar. Mungu akamwambia bakia Gerar. Ne va pas en Égypte. Usikimbilie Misri. Isaac a obéi. Isaac akamtii Mungu. Il est resté chez Abimelech. Akabaki kwa Abimelech. Chez les Philistins. Kwa wa Filisti. Abimelech c'était le roi des Philistins. Abimelech alikuwa mfalme wa Filisti. Arrivé là-bas, alipofika hapo, pendant que c'est la famine, wakati ni wakati lui il a commencé à planter, yeye, à cultiver. Akaanza kulima. Et le ciel a répondu à son travail. Au verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce Isaac pays. Et il récolta au centuple. Il devait riche. akawa mtajiri, il alla s'enrichissant, akazidi katika au point de devenir vraiment riche, akawa mtajiri zaidi. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Dieu se souvient de son alliance. Sababu Mungu alikumbuka agano lake kwa Isaka. Dieu se dit celui-là, akasema huyu, il est en alliance avec moi, anapatana na mimi katika agano. C'est mon allié. Ni mpatanishi. Quand tu es allié de Dieu, wakati umepatana na Mungu, quelles que soient les circonstances, ijapokuwa nini unapitia, tu vas prospérer, utafanikiwa. Tu vas passer par des moments difficiles. Unaweza pitia magumu. Comme tout le monde. Kama watu wote. Mais ton cas sera différent. Lakini kutakuwa utofauti kwako. Et je prie que 2019 naomba juu ya mwaka unaokuja iwe tofauti kwako. Que ton cas soit différent. Uishi utofauti. N'est-il pas écrit 1000 tombes à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu seras pas éteint? Pourquoi tu n'es pas atteint? Parce que mon cas est différent. Quand tout le monde tombe en faillite, à gauche, à droite, les boutiques fermes, les magasins fermes, les entreprises fermes, la vôtre prospère et monte. Il alla s'enrichissant au point de devenir vraiment riche. Pourquoi? Sababu ni nini? Depuis le départ, tangia hapo mwanzo, Dieu l'entoure de sa chaleur. Mungu anamuzunguka. Depuis avant sa naissance, Dieu lui a dit, tangia kuzaliwa kwake, avec lui, pamoja na huyu mtoto, je conclurai mon alliance. Nitafanya agano langu. Mon alliance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu vous offre son cœur, Mungu anapokupa moyo wake, il vous bénit aussi en quantité. Mungu anakubariki vile kwa kipimo. Il vous bénit aussi en abondance. Mungu anakubariki vile kwa kuzidishwa. Quand vous obtenez grâce devant Dieu, ukipokea neema machoni pa Mungu, il vous donne aussi l'abondance. Mungu anakupa vile kuzidishwa. Jean chapitre 10 verset 10. Yohana 10:10. Le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Ili kuiba, mais moi je suis venu afin que mes brebis, ili kondoo zangu, aient la vie, wapokee uzima, et que l'aient en abondance, kwa utele, que mes brebis, kondoo wangu, soient hey, la vie en abondance. Wapokee uzima katika kujaa kwake. La vie en abondance. Uzima tele. Et dans le psaume 16. Na katika Zaburi 16. Verset 18, il est écrit, il me fait connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans la présence de Dieu. Et un bonheur éternel na heri ya milele à sa présence. Katika uwapo wako. D'abondante joie. Pana furaha nyingi. Frères et sœurs, ndugu, lorsque tu obtiens grâce devant Dieu, neema machoni pa tu es candidat à l'abondance. Unaalikwa kwa kupokea kwa wingi. Est-ce que je me fais entendre? Je, munanielewa? Vous êtes déjà rentré? Je, munanielewa mpaka pale? Pastor anauliza kama mulisha rudia kunyumba au mungali hapa. Mulisha rudia? Est-ce que vous êtes toujours là? Oh. Juu msiku hapa na mko na karanga maharagi za magharibi. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes là? Pastor anauliza mungali hapa? Bwana sifiwe. Mkono kama mungali hapa. Muoneshe pastor mkono. Mwambie tungali hapa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. D'abondante joie dans la maison. Furaha zaidi ndani ya uwapo wa Mungu. Et donc les abondances de Dieu comportent aussi la qualité. Ule kuzidishiwa inaonekana vile katika vipimo ambavyo Mungu anakupimia navyo. Dans le psaume 81 verset 1, il est écrit, Zaburi 81:1, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Chako nitakijaza. Ah. Pourquoi je ne vais pas ouvrir un peu ma bouche et dire tu? Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Mungu wetu ni Mungu wa kujaza. Ouvre largement ta fungua bouche. Kinywa yako kabambi. Et je la remplirai. Mungu anasema nitaijaza. Tu as suffisamment pour remplir ma bouche. Mungu una vipimo vya kujaza kinywa yangu. Oui, Dieu dit, je suis le Dieu de l'abondance. Niko Mungu wa kujaza. Je suis le Dieu de l'abondance. Mimi ni Mungu anayejaza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ouvrons largement notre bouche. Sisi tunafungua vinywa vyetu yote kabisa. par les six réponses. Kwa majibu sita. Vous vous rappelez des six réponses? Munazikumbuka. Bwana sifiwe. Amen. On n'ouvre pas grandement sa bouche par la bouche. Aufungue tu kinywa yako kwa kinywa. Il faut pas aller à genoux et dire Seigneur, il est écrit. Usiende kwa magoti na kumwambia Mungu imeandikwa. Fungua kinywa yako kabambi. Voici j'ouvre ma bouche. Na fungua kinywa yangu kabambi haza. No. Apana. C'est plutôt pratique. Ni kwa matendo. C'est en faisant quoi? Ni kwa kufanya nini? Entretenir ma communion avec Dieu. Ninapokuwa nikitengeneza ushirikiano na Mungu. Chercher l'Éternel en esprit en vérité. Nikitafuta Mungu kwa roho na kwa kweli. Croire ce que Dieu dit. Nikiamini maneno ya Mungu kwangu. Et ce qu'il dit par ses prophètes. Na yale Mungu ananiambia kupitia watumishi wake. Aimer la parole de Dieu. Le peuple de Dieu. Nikipenda watu wa Mungu. Et bâtir son temple. Nikijenga nyumba ya Mungu. Entretenir mon alliance avec Dieu. Nikitengeneza agano langu na Mungu. Et engager mon cœur dans la reconnaissance envers Dieu. Kwa kumshukuru Mungu. Lorsque tu fais ces choses, c'est ce que ça veut dire, ouvre largement ta bouche. Ya hii ndio kufungua kinywa chako kwa kusema Mungu akijaze. Alléluia. Amen. Ouvrons largement notre bouche. Tufungue vinywa vyetu et Dieu va la remplir. Mungu atayajaza. De quoi? De l'abondance. Mungu atayajaza katika utele wake. Il a de l'abondance, Mungu notre Dieu. Mungu ana vipimo vya kujaa. Un jour, siku moja, Salomon, après être nommé roi, Salomon nyuma ya kutajwa kama mfalme. Dans 2 Chroniques chapitre 1er, mambo ya siku ya kwanza, au verset 3 à 18, vous pouvez lire cela. C'est un texte courant ici. Salomon va offrir à Dieu 1000 holocaustes. Salomon akamtolea Mungu dhabihu 1000. 1000 holocaustes. Il a convoqué le peuple et dit, venez, on va aller voir Dieu. Et lui-même a offert 1000 holocaustes. Je vous ai expliqué l'autre fois que c'était quand même curieux. Parce que l'holocauste signifie qu'on doit brûler l'offrande jusqu'à le supprimer. Il faut brûler la vache totalement, jusqu'à ce que ça termine. Maintenant, 1000 fois. Vous faites 10, 30, 200, 700, 800, 950, 999, et puis 1000 holocaustes. Même le ciel était troublé par ça. Se dit, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est qui fait ça? Je crois que tous les anges étaient curieux. Et tout le monde se posait des questions. Nous avons vu que les anges cherchent à plonger les regards dans cette affaire d'alliance entre les hommes et Dieu. Mais pendant que ce parfum montait devant Dieu, les anges étaient aussi étonnés que Dieu. Mungu aisha kaa, aisha tuli, aisha skia bien. Mungu alikuwa kikula hii sadaka yake. Dieu est content. Mungu akifurahia matoleo ya Salomon. Dieu est calme. Akitulia. Dieu se réjouit. Akifurahi. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Duniani panapita nini? Il y a quelqu'un qui est en train de toucher le cœur de Dieu. Ambaye iko anagusa roho ya Mungu kwa kazi. Il est en train de semer. Iko anapanda. Pour la suite de son règne. Kwa ajili ya ufalme wake ambao utakuja. Nous avons dit le dimanche 16, nous allons faire des offrandes, des sacrifices pour s'aimer pour 2019. Quand vous regardez ce que Salomon est devenu dans la suite, vous vous posez la question, mais comment quelqu'un peut être riche comme ça? Mais c'est en réponse à cette offrande de sacrifice, c'est en réponse à cette semence qu'il fait à l'aurore de sa royauté. Et il devait riche de telle manière que, regardez au verset 11 à 12, où Dieu vient cette nuit-là le voir. Dieu vient lui-même. Il ne lui a pas envoyé un ange. Il a dit, celui-ci a touché à mes fibres sensibles. Je dois descendre moi-même. Je ne vais pas lui envoyer une délégation comme au temps de Corneille. La Bible dit, Corneille, tes offrandes et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Et il m'a envoyé pour te donner un message. Pour Salomon, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il vint lui-même la nuit. Et il lui parle. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Qu'est-ce que tu veux dire, Salomon? Deux Chroniques, chapitre 1er. Verset 12. Bwana sifiwe. Amen. Mambo ya siku ya kwanza 12. Regardez cela. Verset 12. Verset 7, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de discours précédent ou préalable. Dieu lui apparaît et il va droit au but. Il parle comme il sait, comme s'il savait ce que Salomon voulait dire. Il lui dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, non, mais moi je t'ai donné seulement. Salomon a dit, moi je t'ai donné. Moi je t'ai donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Salomon faisait son holocauste, Salomon, il n'imaginait pas ce qu'il était en train de s'aimer. Et lorsque Dieu lui parle, Salomon lui-même est ébloui par ce que Dieu annonce. Il lui dit, Salomon dit à Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence pour que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Qui pourrait juger ton peuple? Un peu comme quelqu'un qui prépare son offrande et qui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je sache vivre en 2019. Que je sache te servir en 2019. Que je sache être agréable à toi en 2019. Et Dieu, quand il vient répondre, il dit, c'est tout ce que tu demandes. Salomon dit oui. C'est ça que j'avais en esprit. Et Dieu maintenant commence à parler. À verset 11, il dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu es, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse, l'intelligence a fait de juger mon peuple sur lequel j'étais établi. La sagesse et intelligence te sont accordées. Hey. Et puis il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc même au-delà de Trump, Dieu a dit que Salomon en a eu plus. Salomon alipokea kushinda bafalme bote hata ba milliardaire ya leo. On les appelle multimilliardaires. Ba muite multimilliardaire. Les richesses de Salomon ont été utajiri ya Salomon ilikuwa zaidi ya regné avant. Ya bale bote walitawala mbele yake na benye batatawala ka nyuma yake. Ça vient de quoi? Il toka wapi? 1000 holocaustes. Katika zabihu yake 1000 pour avoir sagesse et intelligence. Ili aombe hekima na akili. Afin de bien diriger le peuple. Kwa kuongoza vizuri watu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et quand vous allez plus loin au verset 15, unaposogea pale mbele vous observez les retombées. Utaona matukio. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun en Israël. Uyu Salomono akafanya pesa na zahabu iwe kawaida mu Yerusalemu. Que les pierres kama mawe ya goma et les cèdres aussi commun que les sycomores qui croissent en la plaine. Kawaida kwa l'argent watu et l'or pesa kwa wakati wa Salomon na or a réponse kawaida kwa watu wote. À l'offrande des sacrifices de Salomon. Ufatana na majibu ya sadaka ya Salomono. Bwana sifiwe. Amen. Ne rate pas de faire ta semence cette année. Usipoteze muda wa kutoa. Ne rate pas de faire de préparer ton offrande sacrifice cette année. Usikose kutayarisha zabihu yako ya le Dieu qui a exaucé Salomon. Mungu aliyejibia Salomon. Et le même Dieu que nous prions. Ni ule ule Mungu tunamuomba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et si Dieu trouve ton cœur disposé comme Mungu celui de Salomon. Ataona roho yako tayari kama ya Salomon. Ta semence va germer. Na mbegu yako itazaa. Bwana sifiwe. Amen. Dieu dit à Noé. Mungu alimwambia Noah. La loi de la moisson et de la semence est établie. Sheria ya kupanda na ya kuvuna imeshimikwa. Aussi longtemps que la nuit existera et le jour existera. Quiconque semera récoltera. Atavuna. Sème panda et tu récolteras. Na utavuna. Quelqu'un dit amen. Sema amen. Quelqu'un dit amen. Sema amen. Et donc Dieu, Mungu, peut faire anaweza kutenda infiniment en abondance katika uzidi. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Ushinda yale tunawaza wala kuomba. Dieu peut faire Mungu anaweza infiniment kutenda en qualité katika kipimo. Au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Kuliko yale tunawaza. Alors on va poursuivre avec Dieu peut faire infiniment en capacité. Tutaendelea katika Mungu anaweza kutenda zaidi katika uweza. On va le poursuivre après. Tutaendelesha nyuma. Mais pour l'instant nous voulons obéir à Dieu tel qu'il nous a dit avant-hier. Nous voulons prendre ces quelques 50 minutes pour aller dans le quartier et répandre la grâce auprès de quelqu'un. Dites à ton voisin, moi je suis prêt. Dis-lui bien, dis-lui bien. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt à y aller. Alléluia. Amen. Tu peux lui saisir la main parce que c'est possible que tu vas aller avec lui. Tu lui dis, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt, c'est-à-dire j'ai assez de grâce dans mon cœur qui bouillonne. Que je dois aller, offrir à quelqu'un. Et une minute suffit pour que tu provoques une révolution dans la vie de quelqu'un. Dans ce quartier. Une petite prière de deux minutes, de une minute, de 30 secondes est suffisante lorsque cette prière provient d'un cœur rempli de grâce. Lorsque cette prière, lorsque cette phrase que tu vas prononcer provient d'un cœur baigné dans la grâce. et que tu les libères avec foi na imani. Et le ciel na mbingu, et l'intégrité de Dieu na est disposé yuko à accompagner les paroles de ta bouche, à accompagner ya kinywa yako, la prière que tu vas faire. Ombi utafanya, et cette famille, na ile jamaa, cet individu ule mutu, ou cette famille entière, ao jamaa mzima, à partir de tout à l'heure, kuanzia saa hii, va connaître ipokeye, un revirement glorieux mabadiliko kabisa, parce que quelqu'un est passé dedans. Sababu pana mutu wa Mungu amepita mwa hii nyumba. Que c'était jour. Na mutu atasema siku moja. Et c'était jour de 2017. Kwa mwaka wa 2018. Un homme et une femme. Mtoto mwanamke mwani mkutana. Je ne connais même pas. Simujua hata. Ils sont passés chez moi ici. Alipita mwa hii nyumba. Il y a deux jeunes gens. Vijana wawili. Ils s'étaient passés ici. Waliingiaka mwa hii nyumba. Je me rappelle. Na kumbuka. C'était un samedi à 2018. Samedi. C'était en 2018. Depuis ce jour-là, on n'a plus manqué la nourriture dans la maison. Depuis ce jour-là, j'ai connu mon nouveau départ. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Depuis ce jour-là, nous avons commencé à bien dormir. Depuis ce jour-là, les biachars ont commencé à marcher. Depuis ce jour-là, mes enfants se sont convertis. Depuis ce jour-là, mon mari qui était parti il y a des années, il est revenu. Depuis ce jour-là, ma femme qui me faisait des AVC a changé d'attitude. Elle est devenue normale. Depuis ce jour-là, mon porte-monnaie n'a plus séché. Depuis ce jour-là, les démons qui nous malmenaient chaque nuit, ils nous ont laissé tranquilles. Les rats et les chats qui chantaient au plafond chaque jour, ils ont cessé de chanter. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Grâce à ton passage. Quelqu'un va dire, ah, munaona kaenda. Munaona benyi munata peleka ndio vile. Vas-y frère, kwenda, je vais y aller. Kwenda, kwenda. Pourquoi nous y allons? Tunaenda kwa nini? Il peut faire Bwana wetu par la puissance qui agit en nguvu zinazotenda ndani mwetu. Par la puissance qui kwa agit nguvu zinazotenda ndani yako dada. Ne te réserve pas. Usijizarau. Lorsque tu rentres dans cette famille, ne te réserve pas. Ne sois pas complexé. Tu as quelque chose. Tu as déjà quelque chose. L'onction de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance qui agit, elle est en toi. Et cette puissance est le déclencheur de la grâce. Et tu vas laisser la grâce là-dedans. Et puis tu vas revenir. Et on va continuer notre programme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut-il y aller sous la pluie? Que cette pluie cesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Voici comment on va faire. Nini sasa? Il y a une équipe qui va rester prier ici. Kuna kundi litabaki watumishi. La ranger ici. I kundi hapa. Vous allez partir dans ce quartier ici. Entre le camp et la partie qui est la grande route et le camp. Vous entrez là-dedans. Vous faites quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de faire de longs discours. Vous venez, vous dites, nous sommes en prière à l'église Arche. Et Dieu nous a demandé de venir vous bénir. Et vous partagez sa grâce. Est-ce qu'on peut prier avec vous? S'ils disent, je ne veux pas, ils refusent la grâce. Vous sortez, vous entrez dans la parcelle suivante. Mais personne au Congo ne refuse la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors vous lui parlez de Jésus. Unamuongelesha juu ya Yesu kwa kidogo tu. Nous avons déjà appris ici comment on partage Jésus. Tumeongelesha tumejifunza humu namna gani ya kumtambua ya Yesu. Le problème de l'homme, upendo wa Mungu, shida la solution ya Mungu, de Dieu, jibu ya Mungu, et na une décision wa mutu. Mais n'insistez pas beaucoup sur ça. Lakini usikawie huko. La mission que Dieu nous a donnée, Mungu ametupa kazi, c'est d'aller décharger la ni kwenda tu kuwabariki watu, kuwapatia neema. Alors vous leur demandez leur requête. Munawaambia tuombe nini? Itaji ni nini huko? Il vous donne les requêtes. Anakupa itaji. Et vous priez. Na munaomba. Mais priez. Comme quelqu'un qui décharge kama la grâce kabiso, sur la famille. Uko na bariki watu. Et quand vous finissez de prier, mukimaliza, vous les bénissez et vous repartez. Na munaenda. Mais vous leur laissez mutawachia yo aliko, un bout de papier. Mutawachia yo aliko, ba, mutakuwa nayo sasa hivi, makaratasi kidogo kidogo. On vous a déjà remis ça? Mushaipokea, amtekamata kumlango. Remettez ça rapidement. Muigabule kwa haraka haraka. Voilà, donc vous allez dans cette rayon-là. La rangée suivante. D'ici jusque-là. Cette rangée ici. Vous prenez, voyez l'avenue ici. D'ici l'avenue, l'avenue qui est derrière nous et l'avenue qui est là. Toutes ces maisons ici. Vous allez, n'allez pas très loin. Allez à 200 mètres. Mètre 200 tout. Donc, à Patou Karibou. Allez à 200 mètres. Vous aussi, n'allez pas loin. Vous allez à 200 mètres. Allez là-bas, chaque deux. On va aller deux à deux. Deux à deux. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On y va deux à deux. Partagez rapidement ces choses. Vous prenez deux. Ne prenez pas beaucoup. Prenez deux. Vous prenez deux. Vous prenez deux. Donc, la rangée ici au milieu. Hein? Ce n'est pas jusqu'ici, c'est jusque-là. La rangée jusqu'ici. Vous allez dans. C'est allé ici. On sort en même temps, les uns entrent à gauche, les autres à droite. Et il y a une équipe des intercesseurs qui sera en train de marcher pour prier et pour vous accompagner aussi. Bwana asifiwe. Amen. Alors la rangée ici, vous entrez dans la dans l'allée ici, entre la grande route. Le quartier ici. Vous revenez, vous vous limitez à Temka ici. Entrez dans les maisons. Libérez votre grâce. Et en sortant, laissez une invitation. Qu'est-ce qui est écrit sur l'invitation? Il y a l'invitation de côté, invitation pour dimanche. Et puis il y a. Au verso, il y a invitation pour le séminaire. Vous pouvez les dire, nous sommes en train de suivre un séminaire dont le thème est écrit ici. Infiniment au-delà, par sa grâce. Et le séminaire continue jusqu'à dimanche, le 16. Vous pouvez venir si vous avez le temps. Au verso ici, c'est invitation pour dimanche. Alléluia. Amen. Alors la rangée ici. Na i mustari ya apa nyuma. Cette rangée ici. I mustari kuanzia hapa katikati paka pale mbele. Vous allez traverser la route. Nye mutavuka barabara ngambo ya pili pale. Cette rangée ici. Les enfants vont rester en train de louer, de prier. Les enfants ne vont pas partir. Les moniteurs prenaient soin des enfants. Une poignée de l'union musicale va rester pour entretenir l'adoration. Dieu a dit à son peuple à un moment, il dit, allez-y que les chantres commencent et les vites chantent. Et c'était des victoires. C'était la confusion là, les camps ennemis. La chorale va rester en train de faire cela. Les pasteurs vont rester en train de lever la main comme Moïse à la montagne pendant que Josué était en train de combattre et il y avait la victoire tant que Moïse avait les mains levées. Voilà ce que nous serons en train de faire. Alors la rangée ici, cette rangée, non, non, toute la rangée. Vous traversez et vous entrez dans les maisons qui sont à votre gauche. Jusque là, jusqu'à Anna. Si vous êtes assez nombreux, donc, tout le triangle ici, entrez dedans. Vous ne dépassez pas Anna, vous restez dans les triangles ici. Et la rangée ici, vous traversez aussi, mais vous entrez à droite. Vous prenez deux avenues. Vous allez à droite jusqu'à l'avenue de Babanjabuka. Vous limitez là. Alors, vous prenez juste quelques minutes dans une famille. Et si vous êtes entré loin, vous entrez dans une seule famille et vous revenez. Mais si vous êtes tout près ici et que vous terminez que les 40 minutes ne sont pas encore finies, vous pouvez entrer dans une deuxième famille et puis vous revenez vite. Amen. Amen. Levons-nous. Nous nous levons. Les équipes qui vont conduire les groupes, ils sont où? Venez, s'il vous plaît. Vous aurez des références dans la sortie. Ceux qui vont conduire l'équipe ici, venez. Papa Eric, Papa Frank, vous conduisez l'équipe qui va entrer à droite. Papa Eric et Papa Frank, papa, c'est vous pour l'équipe qui est là? Ok, ceux qui vont conduire l'équipe, voyez-les, venez. Qui va conduire l'équipe ici? Du triangle. Les voici. C'est celui-là, Papa Guy Guilain et Tracy. Ils vont nous superviser quand nous entrons dans cet endroit-là. Papa Aubin, Maman Sarah, l'équipe qui va ici, juste à côté de cette grande route. C'est-à-dire la rangée là. Et puis Papa Abel. Papa Abel et Papa Eloge. C'est l'équipe qui monte dans les deux avenues ici. Et puis Papa Bengi et qui? Jean Bengi. Eric. Et Eric. L'équipe qui va prendre la bande ici. Amen. Amen. Alors, on va y aller. Vous savez la rangée où vous êtes. Vous avez vu les personnes que vous suivez. Chaque équipe se place là. Ok, allez là où il y a votre rangée. Et puis nous suivons les équipes. On compte 50 minutes et on est ici. Ok. Alors allez deux à deux. Prenez la main de votre voisin et vous allez avec lui. Prenez-vous deux à deux. Deux à deux. Les pasteurs montaient et commençaient la prière. La chorale montait et commençait la prière. Comme on a dit hier. Les enfants commençaient à prier pour ceux qui sortent. Vous pouvez aussi parler à quelqu'un que vous rencontrez sur la rue. Vous pouvez aussi parler à quelqu'un que vous rencontrez sur la rue. Si le Saint-Esprit vous convainc de parler à quelqu'un dans une boutique, sur la rue, parlez avec lui. Laissez-lui sa grâce. Les intercesseurs qui devaient rester, ils viennent aussi prier dans les gradins. Qui ont été désignés à rester prier. Les intercesseurs qui ont été désignés, venez prier. Nous sommes à prière et les autres sont sur le terrain. Et la grâce de Dieu se répand et la puissance de Dieu qui agit en toi se déverse. Je m'abandonne.

Sauvé par ton amour, sauvé par ta grâce, j'abandonne tout devant ta face. Rien n'est plus que toi, mon sauveur. Saint et parfait, tu me donnes ta grâce, ta fidélité est sur mon sentier, ton amour éclaire mon âme. Et je lève, et je lève mes yeux vers toi, Créateur de l'univers, et je suis épris de toi. C'est ta gloire, et je vis pour t'adorer, fils de Dieu, le roi de Dieu, tout dans ton égo, chante gloire à celui qui vient bientôt. Nous chantons Alléluia. Sauvé. Yeah. Sauvé par ton amour, sauvé par ta grâce. J'abandonne tout devant ta face. Rien n'est plus que toi, mon sauveur. Saint et parfait, tu me donnes ta paix. Ta fidélité est sur mon sentier. Ton amour est clair. Je lève mes yeux vers toi, Créateur. Chantons Yeah. ensemble avec les anges. Emmanuel, na yoka yona sabo. 50 minutes ne sont pas encore finies. Il reste 3 minutes. Nous voulons les maximiser dans deux requêtes. Alors que nous prions, le Seigneur était en train de me montrer les pas de ceux qui partaient et qui rentraient. Yeah! Écoutez, écoutez, frère. Écoutez, la deuxième chose. Le Seigneur était en train de me montrer un grand parapluie sur tous les rayons où vous êtes partis. Un grand parapluie de grâce. Un grand parapluie de grâce. Une ombre de grâce qui couvre partout où nous sommes passés. Un grand parapluie. Ce parapluie va jouer deux rôles. À chaque maison que vous êtes entré, cette maison sera couverte contre ses ennemis. Aussi, cette maison va bénéficier d'un éclairage de la grâce de Dieu. De la grâce. De la grâce. Alors, regardez. Voici un petit devoir. On a kazi kidogo. Tu vas juste te rappeler. Ukumbuke tu. Rappelle-toi simplement Ukumbuka le parcours où tu es allé jusque dans la maison. Pita, paka pale kwenye n'oublie natoka. Pas ça. Il n'oublie pas ça. N'oublie pas cette maison. Usisahau ile nyumba kwenye ulipita. Tu es allé, tu es rentré. Ulipita, n'oublie pas ça. Usisahau ibebe muro. Un jour, cette personne viendra témoigner. Si kumoja ule mtu atashuhudia. Et tu te souviendras. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Des pieds sont bénis. Des pieds sont bénis. Des genoux sont bénis. Des mains sont bénies. Ton intelligence est bénie. Ton cœur est béni. Alors écoutez, souviens-toi de ces personnes que tu viens de rencontrer. Et le ciel se souviendra. Qu'un jour, un homme, une femme est passé par là. Et le trône de Dieu va commencer à te payer. Il va commencer à te payer. Il va commencer à te payer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. Nous voulons conclure ce moment de prière de sortie. Tu vas appeler la pluie de Dieu. Mvula ya Mungu imwangike. Sur ces rayons que Dieu vient de. Kwa hii eneo kote tumepita na kukanyanga. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, que tes grâces, c'est ton shalom vient. Qu'il pleuve dans ces rayons. Qu'il pleuve dans ces rayons. Qu'il pleuve dans ces rayons. Qu'il pleuve dans ces rayons. Qu'il pleuve dans ces rayons. Au nom de Jésus. La pluie de la paix. La pluie du shalom. La pluie des grâces. La pluie de la lumière de Dieu. Qu'il pleuve dans ces rayons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et ta cabosse à terre à cause. J'ai ta cabosse à Bishanaba. Et Rio Satabuka. Et ta cabosse à l'Ibusa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Un instant. Alors que Dieu, la Bible dit, quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu dépose sa bénédiction sur toi, la malédiction de Dieu descend sur tes ennemis. Dieu a donné un doué couteau à double tranchant. Lorsqu'il te bénit, c'est lui qui te maudit. Il est maudit. Nous allons maudire les œuvres des ténèbres dans ces rayons. Les semences diaboliques dans ces rayons. Nous allons les détruire dans l'œuf. Dans l'œuf. Dans ces racines. On va les détruire. Commence à prier. Commence à prier. Que la grâce vienne se répandre. Que la puissance et la bénédiction s'imposent. Que la bénédiction s'impose. Que la bénédiction de Dieu s'impose. Nous établissons la bénédiction autour de nous. La bénédiction autour de nous. Les activités malsaines meurent au nom de Jésus. Les activités malsaines. Les activités diaboliques meurent au nom de Jésus. Kai Jekobola. Bera taka taka la guerre. Te kala gaye. Tokale Gatiga, Imakosilaba, Apatirojida, Esekireda, Esekireda, Esekireda, Yeso Koligoligaba, Katapote, Ekatapuzi, les semences maléfiques meurent, les semences maléfiques tombent, les semences maléfiques tombent dans les familles, tombent dans les avenues, tombent. tombe, il sèche, il sèche, il sèche au nom de Jésus-Christ. Ayakamaja, prie le Seigneur, prie. Quelqu'un est en train d'être béni dans le quartier. Quelqu'un est en train de recevoir l'éclairage de Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir la bénédiction dans le quartier. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché par la grâce. Par la grâce. La grâce se promène. Esprit de grâce et de paix se promène. En train de communiquer la grâce. Distribuer la grâce. Il distribue la grâce. Il distribue la grâce. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ distribue la grâce. Ouvre les écluses. Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué, la grâce est répand. Vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, il n'y a pas de formule. Infiniment au-delà. Oui, tu veux, Seigneur Jésus. Il le fait infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Tu me fais grand. Mkono mmoja juu na mkono wa kuume kwa roho yako. Père, merci. Baba, asante. Pour ce soir. Jioni ya leo. Tu as envoyé ton peuple dans ta moisson. Umetuma watu wako kwenye shamba lako. Ils ont donné. Wamepana. Gratuitement. Kwa bure. Tu as dit vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Maintenant, je prie au nom de Jésus que tu le recharges de ta grâce, de ta puissance, que tu le recharges de ta connaissance, de ton illumination, de ta révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu le recharges de force, de puissance. Au nom puissant de Jésus, que le trône s'ouvre sur chacun, que la plénitude de Dieu reprenne place dans les coins et les recoins de leur cœur, de leur esprit, de leur corps, de leur famille. Que la grâce abonde, renouvelle tes grâces infinies, renouvelle tes grâces insondables, renouvelle tes grâces abondantes, tes grâces efficaces, tes grâces au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait quelques maladies dans leur corps, je déclare cette maladie close maintenant au nom de Jésus. Elle est tuée dans ses racines au nom de Jésus. S'il y avait quelques disettes, je déclare l'abondance et le déclenchement de l'épanouissement au nom puissant de Jésus. Je déclare le déclenchement de la prospérité au nom de Jésus. Je proclame le déclenchement du réveil au nom de Jésus. Oh Dieu, comme au temps des lépreux de Samarie, le pas que tes enfants ont exécuté ce soir retentissent dans leur destinée pour écrouler tous leurs ennemis, pour détruire les fondements du mal, pour faire fuir l'ennemi quand il se lèvera contre eux, qu'il fuit par ce chemin au nom de Jésus. Mais que le trône de Dieu puisse-t-il t'arroser ta rosée de paix, le shalom qui sort de ton cœur, que le shalom de Dieu remplisse ton cœur, que la joie de l'esprit ne cesse pas dans ton cœur, que le transport d'allégresse ne cesse plus dans ton cœur, que tes mains soient puissantes devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ, que ton esprit soit renforcé, revêtu de puissance même dans l'invisible, même dans ton inconscience, que ton esprit soit puissant pour renverser les forteresses et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, roi des rois et seigneur des seigneurs. Fais-les pour ta grâce. Dès maintenant, Vous êtes béni. Et vous resterez béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dès maintenant, vous êtes une source. Et cette source va continuer à couler. Et à distribuer la grâce. À distribuer la paix. À distribuer le shalom l'hiver. À distribuer la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Confessons la grâce. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le programme continue avec.